Quelqu'un qui, à ce moment-là, eût regardé de l'autre côté de la prison, du côté de la façade, eût aperçu la grande rue de Sousvor et eût pu remarquer, en station, devant la porte monumentale et officielle de la geôle, une voiture de voyage, reconnaissable à sa loge de carrosse. Elle était armoriée. Il en avait vu descendre un personnage qui était entré dans la prison, probablement un magistrat. Le juge Coron appréhendait, interrogé et, sous la responsabilité du shérif, emprisonné pour être jugé par les juges de circuit, les voleurs, meurtriers, séditieux, vagabonds et tout genre de félonies. Quand Gwynplaine entendit le guichet, graissant tous ses verrous, se refermer, il tressaillit. Qu'allait-on faire de lui? Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Où était-il? Gwynplaine, qui n'avait jamais entrevu les sévérités pénales qu'à travers les grossissements d'Ursus, se sentait saisi par une sorte de main énorme et obscure. « Messieurs, demanda-t-il, où me conduisez-vous ? » On ne lui répondit pas. Ce silence glaça Gwynplaine. Il avait la sensation de quelqu'un qui perd pied.